Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Thomas VDB. Eh oui les amis, bonjour, c'est moi. Salut Thomas, c'est et merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi d'être là en terrasse à Bordeaux avec toi Sofiane. Ah magnifique, ouais, on est en terrasse à Bacalan, juste à côté de la Garonne, magnifique. Deux jours après l'apparition d'un énorme cluster à Bacalan. Oui, d'ailleurs. On en parlait à France Info, là. Mais il paraît que là, notre cluster bordelais, il a commencé à s'exporter, je sais plus dans quelle région, mais tu vois, comme quoi. La fierté régionale. Mais le savoir-faire bordelais, tu sais, ça s'improvise pas, je suis désolé, vraiment. Donc là, on est ici, on est fiers de notre cluster, on est fiers de notre eau, tu vois, la Garonne, l'eau. Elle est belle, la Garonne. Elle est marron, elle est magnifique. Quoi. Vraiment, c'est terrible. Une belle Garonne. C'est ça. Bon, et donc, je suis vraiment ravi de te recevoir parce qu'avec une carrière aussi riche que la tienne, je pense que les galères, tu as dû en avoir pas mal, les anecdotes marquantes, tout ça. Ça, j'en ai eu plus qu'il n'en faut. Vraiment, vraiment. À un moment, j'avais dit, c'est bon, j'ai ma dose. Et il continuait d'en avoir. J'ai dit, mais j'avais dit que c'était stop les galères, normalement. Ça continue. Oui, mais il y en a eu en tout cas, ça c'est sûr. Bah, je pense qu'aujourd'hui, quand on arrive à ton niveau de carrière, en fait, je pense qu'il peut y avoir encore des galères, ça va plus être des couacs, tu vois, genre des couacs techniques ou quoi. T'es gentil. Mais non, tu peux te taper une bonne grosse galère de débutant. Ah ouais, d'accord. Bah, évidemment, mais moi je suis un spécialiste. C'est quoi le dicton 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage? Est-ce que c'est ça? Parce qu'en fait, je ne comprends pas très bien cette phrase. Voilà, moi j'en suis à 237 fois que je remets le métier sur mon ouvrage. Là. C'est peut-être parce que je ne comprends pas la phrase que j'arrête pas de buter là, commencer. Ah, ben quelque part, c'est bien de garder cette motivation et de vraiment ne pas s'arrêter. Je te jure, je vais y arriver. Ben, un jour, je vais y arriver. J'en suis persuadé. Et franchement, c'est beau de voir que malgré les années, tu gardes quand même la combativité du débutant. Bah du débutant, oui. Alors après, il y en a qui n'iront jamais au-delà, tu vois, parce que ils vont se décourager avec des choses qui peuvent leur arriver dans les débuts. Bon, comme les galères de les bides, le fait de pas être payé, tout ça. Toi, par exemple, au début, enfin même dans tes tout débuts, quand tu faisais du théâtre de rue avec le spectacle Freddy Coup de Boule. Absolument. Voilà. Même avec ça, je suis sûr que t'as dû vivre des trucs de ouf, quoi. Ah oui. On a joué des fois devant. Un jour, le premier truc qui me vient en tête là. On était invité à jouer dans un événement, un festival un peu municipal à Saint-Denis, donc dans le 93. Ouais. Et donc déjà il y avait pas assez, enfin l'électricité était trop loin, donc le fil de mon micro était trop court, donc j'avais dû jouer tout sur le bord de la scène. Et surtout c'est l'absence de public qui était, enfin non, c'est pas qu'il y avait pas de public, c'est qu'il y avait que des enfants de la cité qui nous jetaient des cailloux. Et à un moment dans le spectacle, il y avait un record d'écrabouillage de biscottes. Donc, il fallait qu'on prenne des biscottes et qu'on écrabouille des biscottes. Et alors, normalement, ça marchait bien, ce gag. Mais là, tous les gamins, ils venaient nous voir, ils font comme ça. On joue pas avec la nourriture. Ça se fait pas de jouer avec la nourriture. Et moi, j'étais là. C'est vrai, ils sont... Ah ouais, pardon, désolé. Ils étaient, ah ouais. Mais pas vraiment, toujours dit, il faut pas jouer avec la nourriture. Je fais, ah ouais, désolé. Je suis désolé. Putain. Ah ouais, là. Je vais mettre à l'amende par les gamins de cité qui te font la leçon. Ah, c'est putain. Ça, c'était chaud. Eux, c'est vrai que leur moyen de contestation, il était très bio, tu vois, parce qu'ils balançaient des cailloux, ils balançaient pas des tomates comme dans le... C'est bien pour ça, voilà. Que j'ai baissé les yeux devant eux à la fin. Et c'est nous, c'est mon camarade et moi qui étions sur scène, qui les avons applaudis à la fin du spectacle pour cette belle leçon qu'ils nous ont donnée sur la vie. Non, mais voilà, mais ça, c'est vraiment, c'est une broutille par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Mais oui, effectivement, en rue, oui, on a eu des galères. J'ai l'impression, moi j'ai jamais joué dans la rue comme ça, si tu veux, un peu de théâtre sauvage, des fois on appelle ça comme ça. J'avais vu ça, moi j'avais vu un concept sur France 4 qui s'appelait One Man Sauvage, je sais pas si t'as vu. Oui, absolument, voilà. Dans le métro. Ils avaient fait plusieurs lieux, je crois. Dans le métro, dans les parcs, sur les places publiques et tout. Je crois que j'avais vu Christophe Alévèque le faire et Omar et Fred à l'époque, où ils avaient leur spectacle ensemble. Je me souviens que ça passait sur France 4. C'est ça, ouais. C'était One Man Sauvage. Et du coup, ce système-là, moi, j'ai jamais joué dans la rue comme ça directement, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est encore plus haut que la difficulté, on va dire, c'est encore plus dur à faire qu'une chicha, quoi, j'ai l'impression. Parce que là, t'es... Ah, j'ai fait une chicha un jour aussi, ouais. Alors, toi qui as fait les deux, qu'est-ce que tu dirais au niveau hiérarchie? Lequel est le plus dur? Ben, jouer dans une chicha, en fait, et des potes m'ont dit, ouais, faut que tu vas jouer dans la chicha, tu vas cartonner, toi. Et moi, j'avais jamais joué dans une chicha, donc je m'étais dit, ouais, je vais y aller. Et donc, j'ai fait un extrait de Bon Chien Chien. Oui. Mais ça remonte, c'était il y a 5 ans, à peu près. Mm-hmm. Et le début où je fais le mec qui sait pas jouer, alors là, toute la chicha est partie. Alors déjà, c'est hallucinant, parce que c'est la première fois que je joue dans une chicha, c'est la première fois que Je vois qu'il y a des chichas cachés dans Paris avec 350 personnes qui à minuit fument la chicha. Je dis mais vous cachez, je savais pas qu'il y avait une caverne ici où fumiez tous la chicha. Et donc j'hallucine sur le lieu déjà. Et donc quand je commence mon extrait où je fais le mec qui sait pas jouer, et, mais volontairement, là, là je joue le mec incompétent qui fait, oui. qui fait du stand-up pour la première fois. Je sais pas si vous avez remarqué, ouais, voilà, machin, ouais, débutant, le cliché de chez cliché, quoi. Oui, oui, je vois. Moi, je l'avais vu le spectacle et c'est vrai que cette première partie-là, elle était super marrante parce qu'après, la chute du truc, c'est que tu révèles qu'en fait, c'est ce que tu avais écrit quand tu étais gamin. Exactement. Voilà. Alors, bah, donc cette partie-là, hyper bien marché. Et dès que j'ai commencé à faire à rentrer dans le dur du sujet avec des vraies blagues de mon spectacle, ouais. les mecs ont commencé à me regarder en fumant la chicha, mais j'entendais... Et donc, juste de 300 personnes... qui me regardait d'un air mystérieux en se disant « Mais pourquoi il me fait des vannes mieux ?» Et j'avoue, je m'étais dit « Faites-moi bien penser à jamais revenir dans une chicha !» Merci à tous. Donc voilà, ouais, une chicha, j'ai fait... se prendre un bide avec un partenaire, ouais. comme c'était le cas avec mon pote quand on a fait un truc en rue, c'est autrement moins difficile que de s'en prendre un tout seul. Mm-hmm. Bon, même si maintenant, tu vois, tu te prends un bide tout seul, des fois ça arrive, tu testes une idée, ça marche pas, tu l'as pas assez développé, donc ça fait que les gens sont pas morts de rire et tout. Mais là, la chicha, c'était vraiment une expérience, j'avoue que... Ah, ça c'est un Clark qui se gare. C'est une exclusivité. On entend le cri du Clark. Ouais. Je crois que ça annonce l'arrivée de l'été, ça. C'est les grillons de Bordeaux, ça. Les Clark... Les claques des docks de Bordeaux. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'ai jamais joué en groupe, quoi, à deux ou à plus. Mais je pense que la souffrance se divise, en fait. Tu sais, on se partage la souffrance et... Ouais, ouais, tu sors de scène quand ça nous est arrivé de faire des trucs devant un public qui nous regardait avec des yeux en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces deux mecs-là » On sortait de scène... on avait au moins une épaule sur laquelle se éclater de rire. Et, enfin, tu vois... On s'est regardé avec mon pote et on était écroulés de rire de se dire, mais ils n'ont rien capté. Ils se sont demandé quel genre de mec on était avec ce spectacle qui n'avait pas l'air de considérer comme un spectacle. À deux, c'est toujours évidemment vachement plus facile à vivre et vachement plus amusant. En fait. Ouais, j'imagine, ouais, ça fait un petit peu comme quand tu te fais coller au collège. Tu sais, quand t'es tout seul, t'es dégoûté, mais si tu te fais coller avec un pote, c'est pas la même chose, c'est tu vois. C'est ça, ouais, je pense. Ouais. Ah ouais, ça devait être cool. Et du coup, bah, depuis cette expérience, justement, est-ce que t'as jamais repensé à monter sur scène en duo avec quelqu'un? Bah si, avec Mathieu Madénian, on a fait un duo pendant très longtemps. Non, non, enfin, les duos, ça c'était plus en vidéo. Oui, mais on avait des sketchs sur scène aussi qu'on faisait avec Mathieu. D'accord, ok. Ouais. Mais genre, enfin, je voulais dire plus un spectacle complet, tu sais. Non, ça s'est pas présenté, mais je suis ouvert à tout. C'est super de monter tout seul sur scène, mais c'est génial de monter à plus d'un sur scène. D'accord. De faire un spectacle, d'interagir, de faire une pièce de théâtre, de faire un spectacle qui soit pas juste une interaction entre la personne sur scène et le public et l'auditoire qui l'écoute, quoi. D'accord. Donc, presque ça me manque, je dirais, un peu, cette expérience collective d'aller sur scène. Mmh. Oui, oui, je comprends. Et du coup, quand t'es passé seul sur scène et que t'as eu des galères seul, la première a dû être quand même spéciale parce que tu t'es dit, bah, l'autre, il est pas là pour prendre le coup avec moi, tu vois. Alors, je vais te raconter une des plus grosses galères qui m'est arrivée. Uh-huh. En fait, il faut savoir que... Donc, ça s'est passé, en fait, non pas... Ça s'est passé sur scène, mais pas vraiment dans le cadre d'un spectacle. Ça s'est passé devant un auditoire, mais ça s'est passé en réalité devant ma famille. C'est dur quand tu connais les gens dans la salle. Oh là là là. Alors, et puis moi, il faut savoir que du côté, en fait, si tu remontes à mes grands-parents paternels, ouais. ils ont eu beaucoup d'enfants, qui eux-mêmes, tous ces enfants, ont eu beaucoup d'enfants, dont la plupart se sont mariés et tout. Donc, il faut savoir que dans la descendance directe de mes grands-parents paternels, il y a 520 personnes. Waouh! Quand tu comptes les enfants, les maris, les pièces rapportées, enfin tu vois, les compagnes, les compagnons et tout, on est 520, donc, tu vois, mm-hmm. parce que mes grands-parents paternels ont eu 12 enfants. Et donc c'est tellement qu'il y a eu occasionnellement, tous les 5-6 ans, une énorme réunion de famille. Et genre il y a une douzaine d'années, il y a une grosse réunion de famille qui a lieu dans le Nord, à Roubaix. Et donc ils ont loué un énorme endroit où on dort tous le samedi soir, on fait la fête, et puis le lendemain midi on est censé manger ensemble et tout. Et donc, on mange ensemble le samedi soir. Et puis moi, avec mes cousins et mes frangins, mm-hmm. on boit du vin jusqu'à pas d'heure. Et je me couche vraiment... Et je me réveille surtout avec mal au crâne et tout. Juste une chose, excuse-moi, pardon. Tu me parles de gens d'une famille de 500 personnes, juste du côté paternel, et que vous vous êtes réunis à Roubaix. Mm. Est-ce que tu penses pas que c'est le moment d'avouer que t'es arabe? Écoute, j'ai pas compté. Il y a beaucoup de... C'est assez métissé, cette famille. Je peux pas te dire... Bon, évidemment, tu sais, moi, je suis né à Casablanca. Je suis né à Abbeville dans la Somme. Ça aurait pu, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui sont nés à Casa. Je sais bien. Moi, tu sais, j'apprends vraiment avec surprise vraiment que beaucoup de personnalités en fait sont nées dans les pays, dans les anciennes colonies surtout. C'est incroyable. Donc franchement, j'y aurais cru sans problème. Je suis né dans la colonie Picarde, qui a été colonisée il y a très longtemps. D'accord. A été colonisée il y a longtemps, la Picardie. Et donc on est là et on est tous installés à la table du repas du dimanche midi. On est 300 dans une grande salle et tout. Wow. Et puis je me mets à table et puis je suis avec mon frère et puis avec des cousins et tout et puis et j'ai un peu mal au crâne et tout et puis donc début du repas il s'est bruyant et puis là j'ai une vieille tante qui vient me poser la main sur l'épaule qui me dit Thomas je sais que tu fais des spectacles et tout et elle me dit ce qui serait quand même génial non je sais pas ce que t'en penses mais qu'à la fin du repas tu montes sur scène et tu nous fasses un petit quelque chose et moi t'as senti le guet-apens? J'ai senti déjà. La première chose que je sentais, c'est que j'avais mal au crâne. Je continuais de sentir que j'avais mal au crâne. Je me disais, mais pourquoi viens-tu me parler et qui plus est me demander ça? Enfin, tu vois, je lui dis pas ça, mais je me dis, je pense que mon nez qui se renfrogne au moment où elle me parle et lui dit que je sais pas si je pense que c'est une bonne idée, mais évidemment, quand je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, qu'est-ce que je fais? C'est répondre, ah ben oui, bien sûr, avec plaisir. Donc. Et elle me dit, puis en plus, il y a ton cousin. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin du repas, il y a une vente aux enchères. Bon, en fait, c'est pour profit d'une association. J'ai demandé à plein de gens de la famille de rapporter des objets dont ils voudraient séparer, qui sont prêts à donner. On fait une vente aux enchères, on donne de l'argent à l'association. Donc, je dis, ok, super. Elle me dit, mais toi, j'aimerais que tu fasses un truc avant. Et d'accord. Le repas continue. Et puis, là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire, quoi? Parce que j'ai un spectacle que je joue. Mais en fait, je veux pas leur jouer un extrait de mon spectacle. Enfin, tu vois, j'étais pas encore assez expérimenté pour glisser de la situation à un extrait de mon spectacle de façon un peu invisible, tu vois, et que j'arrive à leur parler d'un sujet dont ils croient que j'avais pas prévu de leur parler, alors qu'en fait, tout est écrit. J'avance dans leur pas en me disant, mais de quoi je vais leur parler, au point qu'à l'arrivée du dessert, on arrive au dessert, là, il y a ma tante qui revient me voir et qui me met la main sur l'épaule et qui me dit, tu sais, Thomas, je t'organe depuis tout à l'heure. Elle me dit, si t'as pas envie de le faire, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que. Elle t'a offert une porte de sortie, quand même. Elle m'a offert une porte de sortie, mais c'est-à-dire que ça se voyait tellement sur ma gueule depuis l'entrée du repas que, elle devait se dire, ah non, mais qu'est-ce que j'ai été y demander ça? Apparemment, il n'a pas du tout. Et donc, moi, je suis là, ah non, non, mais pas de problème, je vais le faire avec plaisir. Alors qu'en fait, j'ai aucune envie et je ne sais pas de quoi je vais parler. Et donc, à la fin du repas, elle m'a dit, voilà, on va accueillir Thomas, tu sais. Et moi, je suis là, ah ouais. Alors, faut savoir. Comme je t'ai dit qu'il y a il y avait 300 personnes dans ma famille, il y en a plein, je les connais que de tête, tu vois, je sais même pas à peine comment ils s'appellent et tout. Donc j'arrive et je suis là, ouais, alors ça va? Et ils sont là, ouais, cousin Thomas, le rigolo. Et là, moi, je me dis dans ma tête, je me dis, le rigolo, attendez de voir, c'est pas complètement gagné. Parce que là, j'ai un peu mal à la tête et je sais pas de quoi je vais vous parler. Et à ce moment-là, il se trouve que dans le spectacle que je jouais à Paris, qui s'appelait Presque Célèbre, dans mon deuxième spectacle, j'avais une des parties qui marchait très très bien, qui était une partie dans laquelle je racontais que un sujet vraiment éculé de chez éculé chez les comiques, c'est le fait que j'ai peur en avion. Oui, je me souviens de ce sketch. Voilà. D'ailleurs, c'était une de mes vannes préférées où tu disais les gens qui sont assis normal. Non, c'est les gens qui gueulent genre. La réaction normale. En fait, je disais pour moi c'est normal d'avoir peur en avion et je me mets à la place de n'importe quelle personne qui prend l'avion. Par exemple, je pense à un mec qui a pris l'avion dans le Rio Paris, tu sais, quand le Rio Paris s'est crashé en 2009. J'imagine n'importe quelle personne qui a pris l'avion pour la première fois ce jour-là, dans cet avion-là, et qui la veille disait à un de ses potes, ah non, je flippe pour mon vol en avion demain, et que le mec disait, mais t'en fais pas, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde statistiquement. Et j'imagine le mec dans l'avion en train de se cracher. Et donc j'arrive sur scène devant mes oncles et tantes et tout, et je me dis, comment je vais leur parler de ça? J'ai dit, alors, on était à Roubaix, ben moi je suis venu en train en tout cas, je suis pas venu en avion. Ouais. Et eux ils se disent, Et là je sais pas si t'as déjà vu 300 personnes qui se disent, bah non, c'est normal, on est à Roubaix, personne vient en avion. Mais c'est exactement ce qui se passe au moment où je leur dis ça. Et donc j'essaie de leur faire mon sketch sur la peur en avion, et là ils me regardent en se disant, mais pourquoi notre cousin, là on était tous en train de manger en famille, a-t-il pris le micro pour nous dire qu'il avait peur en avion? Les gens sont là, mais laisse-nous terminer notre repas. Et donc je vois que ça marche pas du tout. Et là, je me dis, non, faut que je fasse des vannes un peu plus connectées avec la situation. J'ai déjà parlé de la famille. Et là, je vois deux de mes cousines dans l'assemblée. Et je me rends compte que ces deux cousines dont j'ai jamais été parfaitement sûr des prénoms, tellement on est nombreux. Je dis, il y en a une qui s'appelle Ludivine et l'autre s'appelle Guillemette. Mais tu sais pas, je vais les faire. Et donc, je lui ai dit, je vais les faire marrer avec ça. Je dis, regardez, il y a Ludivine et Guillemette. Eh ben, moi, vous voulez que je vous dise un truc? J'ai toujours cru que Ludivine, c'était Guillemette, et Guillemette, c'était Ludivine. Et là, d'un seul coup, il y a 300 personnes qui font, bah non, enfin. T'étais le seul qui avait du mal avec les prénoms, quoi. Bah, ils sont là, bah non, Guillemette, c'est Guillemette. Bah, évidemment que c'est elle. Et je suis là, ah ouais, bah moi non. C'est marrant, non? Ah, le malaise à ce moment-là, j'imagine. Ah non. Et donc, on était tout près du moment où je leur ai dit, voilà, bon, ben, comme on dit sur scène, c'est tout pour moi. Tu t'as fait combien de temps? T'as tenu combien? 5 minutes. Mais 5 minutes, vraiment. On parlait de Clark, là, mais tu vois, c'était un bulldozer de rames. Moi, j'étais vraiment genre, on va creuser une tranchée, là, pour pouvoir manœuvrer avec les rames. Et attends, le pire, c'est que juste après, donc, il y avait une vente aux enchères, hein, qui était qui avait lieu. Et là, c'est un cousin à moi qui est assureur, qui prend le micro pour animer la vente aux enchères. Et là, en fait, mon cousin assureur retourne l'assistance en faisant la vente aux enchères. C'est comme si moi, j'étais allé faire signer un contrat d'assurance chez quelqu'un et que j'avais fait un meilleur contrat d'assurance que lui, quoi. Sauf que lui, il me pilonne. Oh là là. Donc, en fait, se prendre un bide, moi, c'est bon, je suis rodé, mais alors devant l'intégralité de ta famille et que les gens te regardent en se disant « Il faut qu'il change de métier, lui, c'est pas possible. » Voilà, donc c'est un peu, c'est pas le truc le plus glorieux qui me soit arrivé. Mais en même temps, voilà, je suis content de me dire « c'est... Je suis content de partager ça avec toi. C'est pas c'est. Bah, avec tous tes auditeurs. Je suis content vraiment de le recueillir et vraiment je compatis parce que bider, ça fait mal. Ça, c'est un truc. Jamais tu ressortiras fier d'un bide. Mais bider devant ta famille. J'ai déjà eu le cas. Le pire, j'ai remarqué, c'est comme si tu attirais sur toi, en fait, le mauvais œil. Le mauvais œil. C'est-à-dire que les gens, tu leur dis ouais, je fais ça et tout. Bah, et dès que ça suscite un regard de... attendri ou de pitié ou de honte. Ah, c'est terminé, c'est fini. Moi, tu sais que j'ai un pote avec qui j'ai fait beaucoup de théâtre de rue, qui s'appelle Arnaud Aymar. Lui, il fait beaucoup d'improvisation dans ses spectacles. Il a des personnages. C'est pas du stand-up du tout. Il arrive en personnage et il a son spectacle qui est écrit. Mais il n'estime qu'un spectacle est bien que s'il commence d'abord la première demi-heure par se prendre un maximum de bide. C'est-à-dire, il veut ralentir le tempo, il veut crever les pneus. Et là, les conquérir, quoi. Ouais, et une fois que le public le regarde en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Là, à partir de là, il est prêt à commencer. Mais en fait, je trouve que c'est bien parce que c'est une façon de se mettre en danger et donc, du coup, de se donner le défi de les reconquérir un petit peu, comme tu dis. D'accord, je comprends. Bon, après, c'est une façon de faire. Hein. Du coup, si je regarde dans ma carrière, j'ai eu pas mal de débuts de spectacle d'Arnaud, hein, ça. Ouais, j'ai jamais eu la partie reconquête, ça, je l'ai pas eu. Mais la partie se mettre en danger et bider, machin, ça, je l'ai vécu pas mal de fois. Hein, c'est quand même bien d'avoir ce côté challenge et tout. Moi, franchement, si jamais ça m'arrive, c'est vraiment involontaire. Hein. Tu vois, vraiment, je me dirais jamais, t'inquiète pas, je les perds là, mais c'est volontaire. Bah, moi c'était volontaire au début de Bon Chien Chien, tu vois, les 4 premières minutes de Bon Chien Chien. Oui, mais c'est tellement une caricature qu'on ne peut pas y croire. Si t'arrivais en mode sérieux, genre, oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais non, là t'arrivais, je sais pas si vous avez remarqué, c'était tiré par les cheveux, on le voyait et on était mort de rire parce que c'est. C'est un peu de l'humour méta, tu vois. Oui, bien sûr. C'est un peu de l'humour méta, donc c'est pour ça. On te voyait sur scène, je veux dire, on attendait, on voyait ça et c'était... je veux dire, tu te mettais dans la peau d'un personnage, tu n'étais pas Thomas VDB à ce moment-là. Ouais. Tu étais un personnage qui voulait être ringard, en fait. Quand tu vois ce que c'est que de vouloir faire rien, alors d'y arriver, c'est génial, mais l'ambition de vouloir faire rien... Elle est un peu bébête quand même de se dire, enfin je veux dire, que ce soit quelqu'un pour quelqu'un de nul ou pour quelqu'un de super drôle, être animé par un truc au fond de soi qui est de te dire, attends, tu vas voir, ils vont trop rigoler quand je vais arriver, enfin c'est hyper égocentré quand même comme truc. Bah, quand t'arrives en confiance en général en plus, ça te... Ouais, mais moi je préfère rire plutôt que d'avoir de la peine et de la compassion pour quelqu'un qui essaie de l'être et qui n'y arrive pas, mais... Quand il pense, l'intention de vouloir faire rire, l'intention de se dire « Ah, attends, ouais, là, tu vas voir quand je vais arriver, trop rigoler. » Moi, quelqu'un... Parce qu'en fait, c'est ce que pense n'importe quelle personne qui va monter sur scène. En vrai, tu pourrais aller voir n'importe quelle personne qui monte sur scène et lui dire « Eh, dis donc, t'es hyper égocentriste, toi. Tu vas monter sur scène et tu penses que tu vas aller faire rire. Eh, dis donc, tu te calmes, ça va les chevilles. » Enfin, tu vois, alors qu'en fait, on a besoin de gens qui nous font rire. Mais on a tous. Mais l'intention, être animé par cette intention-là, il y a un truc un peu fou, quoi. Je pense qu'il faut pas la laisser transparaître, en fait. Il faut pas que ça se voit sur toi, que t'es en mode, rassurez-vous, je suis un pro, vous allez rire. Ah ben, c'est sûr, il faut pas le dire. Il y a une dimension accidentelle, en fait. Il faut que les gens rient, limite par accident. C'est-à-dire que toi, tu parlais sincèrement, et les gens ont accepté ton propos et ont rigolé. Et là, ça passe. Alors que quand t'arrives, et on l'a tous vécu, moi le premier, hein, quand t'arrives en mode, là, ce que je vais vous balancer, c'est du caviar. En général, tu repars avec une boîte de sardines. Hein, ça, mais, on va pas se mentir. Oui, mais regarde, mais il y a encore des comiques qui cartonnent, qui font encore ça, qui parlent de leurs blagues. Et moi, je sais que c'est un peu une limite. C'est les mecs qui font celle-là, elle est pas bien passée. Attendez la suivante, ça va faire mal. Non, ça, moi, j'ai toujours eu du mal. Bah ça, oui, c'est vrai, un gros débat que j'ai avec des potes. Moi, j'ai des potes qui acceptent cette espèce de convention. Pour moi, c'est vraiment c'est rédhibitoire. Ça me gêne beaucoup. Ça, c'est, pour moi, ça, c'est du. Tu sais, c'est comme le rattrapage au bac. C'est-à-dire, tu as raté l'examen, mais tu essaies quand même de rattraper derrière. Et ouais. Je trouve ça dommage. Il est plus rapide que le Clark, t'as vu? Ouais, ouais. Il fait plus de bruit, en tout cas. Aussi. En étant plus loin. Tu vois, au niveau de d'une blague que t'as ratée et que qui n'est pas passée, moi ça m'arrive tout le temps. Tu vois, quand tu testes un nouveau truc, évidemment que tout va pas passer. Mais dans ces cas-là, je ferme ma gueule et j'assume. Je continue, je vais plus loin dans le sketch et puis je me dis peut-être. Alors que faire la blague et faire. Parce que le problème, c'est même pas de faire le coup de bon, bah celle-là, je la ferai plus. Tu sais, ça, à la limite, bon, ouais, ouais, tu fais comme tu veux. Mais c'est de se satisfaire de ça. C'est de se dire, ah bah t'as vu ce soir, j'ai cartonné. Bah non. Ouais, ouais. T'as juste souligné ton échec. Ouais. Et les gens ont rigolé, ah, oui. tu vois, donc non, ce n'est pas un passage réussi, pour moi ça reste un bide, bien sûr, même bien s'il y a eu des rires, mais il y a eu des rires sur ton côté, vous avez vu, je suis un loser. Ouais, bien sûr. Moi ça me gêne, moi j'estime que tu fais ton passage, il y a deux choses pour moi quand tu fais un nouveau passage, et là en ce moment je suis en train d'en travailler un nouveau, donc vraiment je suis en plein dedans, donc je te rassure, les passages sont beaucoup plus début de spectacle d'Arnaud qu'autre chose. Franchement, pour moi il y a deux choses, premièrement, tu ne dis jamais genre, ah celle-là je la ferai plus, ou genre... c'était marrant dans ma tête, c'était marrant dans ma... Quand tu testes, ça peut être des trucs pour sécuriser un... Moi, c'est un truc que ça m'arrive de faire des fois quand je teste des blagues pour la première fois. Ouais. Mais je pense... Après, t'essayes de ne pas garder ces effets-là, évidemment. Mais je pense que ça pervertit un petit peu, en fait, l'effet. Parce que, tu vois, tu n'auras pas... C'est pas la raison pour laquelle tu voulais être drôle au début. C'est ça. Ouais. On va dire, mettons, t'as la blague A, B, C. La blague A a planté. T'as fait le coup de « Ah bah du coup c'était marrant dans ma salle de bain, tu vois, ou un truc comme ça. » Les gens se marrent. La réaction à B et à C, pour moi, elles vont être un peu biaisées. Tu vois ? Alors que si t'avais fait A, t'as planté, t'assumes, t'as B et C, là t'as les vraies réactions. Ouais, ouais. Tu vois ? Après, avec le temps, bien sûr, la A va être améliorée, ce qui améliorera sûrement la B et la C derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais donc, premièrement... Mais je constate que tu écris beaucoup en termes de paragraphe. Paragraphe A, paragraphe B. Parce qu'imagine, t'arrives à ta vanne, t'es à grand A, tu fais petit A, petit B. T'en es au petit B. Quand tu fais, quand t'arrives à la linéa du petit C sur ta troisième vanne, et que la B, elle a pas bien marché. J'essaye de masquer le fait que j'ai raté mon bac, tu vois. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis chauffeur de bus, j'ai le niveau bac, mais j'ai pas le diplôme, donc j'essaye de me rattraper. Moi, j'ai eu le bac, mais j'ai pas eu le DUG, donc j'ai le niveau DUG. D'accord. C'est-à-dire, t'as un échec supérieur au mien, tu vois, c'est déjà ça. Et le truc, c'est que aujourd'hui, dans mon podcast, j'essaye de faire comme si j'étais très scolaire et tout, alors que pas du tout, les gens qui me connaissent le savent. Donc, je disais, ça, c'est la première erreur pour moi. Après, c'est un choix, chacun fait comme il veut, mais moi, je pense que faut garder, surtout pour du test, faut garder la performance brute. Vraiment brute, tu vois. Voilà. Après, la deuxième erreur, il y en a beaucoup qui le font, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est ceux qui vont monter sur scène et qui vont faire, bon, ce soir, je vais vous jouer du test. Ouais. Mais non, faut pas l'annoncer. Ouais. Faut pas l'annoncer. Moi, par exemple, ici, on a le Gavé Style, sur lequel tu nous avais fait l'honneur de venir jouer d'ailleurs. Quand je joue, en général, je le fais là-bas, tu vois, quand je fais du test, parce que là-bas, c'est la famille, tu vois. Ce plateau-là, on l'a monté en 2013. Donc ça fait 8 ans cette année, ouais. Franchement on est fiers de ça et tout, c'est notre bébé, tu vois, et on se sent à la maison là-bas, les gens nous ont déjà vu jouer nos sures, ils nous ont déjà vu bider sur du nouveau ou des trucs comme ça, donc on peut se permettre de faire autant du bon que du mauvais, donc ça fait que quand je teste, pour me sécuriser, je vais là-bas, ouais. Mais je ne dis rien, je joue, et quand j'ai terminé, là au moment du salut et tout, merci, quand le présentateur vient me déprésenter, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a que dans notre métier qu'on utilise le verbe déprésenter, t'as remarqué? C'est marrant, j'étais en train de me dire, c'est marrant comme nom de métier, déprésentateur. Mais bah, en fait, il fait les deux. Il est double fonction, il fait présentateur et déprésentateur. Ouais, ouais. Mais donc, quand il vient te déprésenter, à ce moment-là, moi, ce que je dis merci beaucoup, merci pour votre accueil et tout. Et je tenais à tester ce sketch ici, c'est la maison pour moi. Donc, c'était un tout nouveau passage et je vous remercie. Mais je le dis après. comme ça mon enregistrement n'est pas perverti par une espèce de compassion et une espèce d'empathie du public, ouais, qui se dit ah le pauvre il essaye, tu vois, il t'aura toujours un truc supplémentaire. Bien sûr. Si tu leur annonces d'abord que c'est du test, il faut pas. Ouais c'est sûr. Mais en tout cas merci beaucoup, donc on te retrouvera sur scène avec grand plaisir avec ton nouveau spectacle. Absolument, je dois avoir des dates à Bordeaux, mais en même temps les gens qui écoutent de partout. Oui, donc on regardera ça. Où est-ce qu'on peut trouver les infos? Eh ben sur thomas-vdb.fr. Ok. Comme, attends, je crois. Est-ce que c'est bien l'adresse de mon site internet? Je suis même pas sûr de l'adresse de mon site internet, ouais, mais je crois que c'est ça. Je vérifierai. Au pire, il y a pas de souci. Et donc sur les réseaux sociaux, ouais, bien sûr. Voilà. Donc Thomas VDB sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Exactement. Parfait. Ben avec grand plaisir. Ben merci beaucoup Thomas pour ce bon moment, ces belles réflexions, ces belles anecdotes, et j'espère à bientôt sur scène. C'est un merci plaisir. Merci beaucoup. Ben, le plaisir était partagé. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.